élèves à un bout de la 40 et ses grands à l'autre. Nous mettons de protéger 387,69 par mois, plus les pétages de coche, puis 8,360. La vie est belle à Manhattan, à Manhattan, dans un bateau qui s'appelle comme toi, les Orange, Passe, Saint-Henri. La vie est belle à côté des billets de Billboard, de Cold Light, c'est comme une petite seconde. Il y a une bouteille de snap sur ton toit, sur ton ventre, entre tes seins, tu penses de tomber des fois. C'est des 80 avec le deux courants des fesses et le sac est scoté au laser sur tes boîtes électriques. Je me prends de bonheur d'occasion. Tiens, il y a le roi, Cody Condo. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ton Game Boy, prends-le. Branché après l'iPod, il a bien en fourreux. En plus, comme elle dit, j'ai des lucames. Puis, how to. Je veux une semaine autour du monde, mais attends que je finisse mon deck. Attends que ma cotère sorte sur un box. Attends que je te croque comme moi. Attends que j'ai perdu mon billet de train. Puis je vois à la prime quelque part en creux. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Moi oui, d'un coup que j'irai dans un programme contingenté. D'un coup que je voudrais devenir analyste financier. J'ai perdu ton Game Boy Color, branché à l'iPod, tu n'as rien en fourreux, rempli de crémettes, j'ai des lucas, ni house cue. Je veux que t'amène autour du monde, attends que je finisse mon deck, attends que je finisse mon deck, attends que ma chatère sorte sur un Xbox, attends les cheveux, grand comme moi. Il est belle à Manhattan, à Manhattan, dans un bateau qui s'appelle comme toi, une orange, place Saint-Henri. Elle est belle à côté des viaducs, des débordes, de Cold Light, c'est comme le futur qu'on se dit. Comme le futur qu'on se dit. On dit que c'est comme le futur.